rappelle, c'est chaque soir 23h, 3h du mat sur Énergie. Et c'est ça. Et après, il y aura l'artiste. Bon, on va se faire donc le jeu du Perton pas fâché. Je l'avais promis. C'est parti. On va donc jouer avec Baptiste. Salut Baptiste. Re-salut. Re-salut l'équipe. Re-salut tout le monde. Re-salut Baptiste. Nous allons donc jouer au jeu du Perton pas fâché. Le principe du jeu est, ma foi, relativement simple. Tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Je prends Toff. Tu prends Toff, très bien. Parfait, très bon choix. Allez. Il râle parce qu'il est en train de bouffer ce le gros porc là. Et il merde. Allez, Baptiste, on y va. Très, tu commences. Bon, tu commences ou Toff commence? Toff, il va commencer. Ouais, parfait. Très bien. Mais par contre, Amina, après, on va encore en parler de bouffe. Mais depuis 20h, t'es en train de bouffer. Tu commences et t'as quoi? Tu manges quoi? Parce qu'en fait, moi, si tu veux, j'ai pas le temps de manger à mon aise. Parce qu'en fait, il y a une émission, etc. Donc, je mange par petite portion. Ah, d'accord. Voilà, j'ai mangé des makis, ça intéresse les gens. Et sinon, avant, j'ai mangé des gyoza. Et là, je mange une salade de choux. Ah, donc il y avait bien trois trucs. C'est pour ça que je me dis, mais il y avait encore un truc. D'accord. Bon, on y va, Toff? Bah, oui. Allez, hop, c'est parti. On y va. On appelle. Mauvaise chance, Toff. Merci, Mickaël. Puisses-tu perdre? Donc, je le souhaite également. Bah, j'espère. Ah, toi, poisse. Oui, allô? Oui. Oui, ça va? Oui, c'est qui? C'est moi. Qui, moi? Comment ça, qui, moi? Attends, tu me fais ça à moi? Après tout ce qu'on a passé ensemble et tout, tu me fais ça à moi? Franchement, ça se fait pas, hein, ce que t'es en train de faire. Mais moi, je sais pas qui c'est. Non, mais écoute, si c'est comme ça, moi, tout est fini entre nous, on s'arrête là tout de suite. Hein. C'est-à-dire que tu me fais des faces comme ça, tu me reconnais même pas au téléphone. Non, moi, je te dis tout de suite, ça s'arrête là. Moi, je t'emmerde, moi. Non, mais tu me dis pas ça, déjà. Bah, 32 secondes, voilà, l'affaire est faite. Je croyais que Toff, il avait vrillé à dire « Quoi, puisque c'est comme ça, ben, je raccroche !» Je suis saillie, devenu fou. Bon, Baptiste, 32 secondes, score à battre. Gérable. Allez, on y va. Bonne chance, Baptiste. Ce serait quand même la honte suprême de te faire battre par Toff. Je dis ça, je dis rien. Il a été bon, Toff, pour une fois. C'est vrai. Il a été rapide. J'ai bien aimé la technique de la rupture là maintenant, quoi. Ouais. Je sais, décroche pas, mais ça va s'arranger. Bon, parfait, attends, bouge pas. Oui, répondeur, ça arrive, c'est pas grave, on en fait un autre. Pas de soucis, Baptiste. Oui, allô? Allô, Zé? Ouais, c'est moi, ça va? Oui, bonjour. Oui, je suis désolé, je sais pas trop comment te le dire. J'ai réfléchi, j'en ai parlé à mes potes et tout, mais je pense que c'est fini entre nous. Je peux plus continuer. Attendez, vous êtes qui? Ah, mais tu me reconnais pas? Non. Tu me reconnais pas. Allô? Oui. Tu me reconnais pas? C'est Cécilia. Allô? Il a pris un risque avec en chialant. Ça peut plus durer. À quoi vous jouez là tous? Moi je comprends rien. Hein. Mais c'est fini entre nous. Ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. Je sais. C'est bon, c'est fini entre nous. Je peux plus. Elle a raccroché. Baptiste. Joué, hein. 54 secondes. Bravo, Baptiste. Bon, cela dit, t'as pris un gros risque en commençant à pleurer. Parce que parfois, c'est genre, ouais, c'est quoi ce truc-là? Boum, tu raccroches. Hein. Donc, t'as pris un risque, Baptiste. Ce qui est encore plus. Tout en ton honneur, ça je voulais dire. Putain, cherchez-vous, là, ça devient dramatique. Coup de pelle dans la gueule de Toff maintenant. Avec plaisir. Coup de pelle. Voilà. Merci. Bon, bah, Baptiste, bravo, je t'envoie chez Amina. On prend les coordonnées et puis on va t'envoyer le cadeau, Baptiste. Bravo à toi. Parfait. Avec plaisir. Salut, Baptiste. Il est trop tard pour changer d'avis. Il est trop tard. Et allez, on dit. Il est trop tard, je te dis. On est là. La nuit. Tu es sur Énergie. Tu es à notre merci. Mickaël, Toff, Polo et Amina. Tous les soirs, dès 23h. Sur Énergie. T'as tout bien. Tout en bien, t'as tout bien. Vamos ver si tout a bien. Ben. Y'en a qui sortent en équipe avenue Montaigne, France en premier. J'suis avec ma go en fourraillé. Au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. elle c'est le marathon. Avec elle pas de baratin. Bang bang bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Así você me mata. Et voilà que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. Nettoie mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. La concurrence est affolée. J'suis à la radio, j'suis à la télé. Dans le carré, vie pour RDV. En train de tout casser. On est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. J'espère que vous allez bien. Dans le Réco Show sur Énergie, il y a des cadeaux. Il y a le VTC de la peur. C'est tous les soirs de 20h à 23h. Et je vous en dis pas plus. Regardez, écoutez. Vos grands-parents sont tendres, attentionnés, généreux. Eh bien, les nôtres sont insupportables. Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit, ce pauvre type ? Papy et mamie sont dans le Réco Show. C'est parti, on y va. Résidence Belviste, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Papy Rico à l'appareil. D'accord. Au concours de tricot, j'ai vu quelqu'un qui avait triché aux Olympiades mardi. Oui. J'ai constaté dans sa tisane des produits à effet booster de doigts. Attendez, je vais vous passer quelqu'un, ne quittez pas. Ah oui. Bonjour et bienvenue à la maison de retraite Belviste. Nous allons vous répondre. Et allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui, je vous appelle parce qu'il y a eu les Olympiades mardi, hein, à oui. Saint-Gély. Et j'y ai participé moi-même, hein, chez Papy Rico. Et il y a quelqu'un qui a triché au concours de tricot. Ah bon ? Oui, la gagnante avait pris une tisane avec des produits olé olé, hein. Oui, on leur donne toujours des produits olé olé, nous. Oui, je suis complètement fâché. Alors, ce que j'ai fait, madame, c'est que j'ai gardé la dame à côté de moi, je l'ai séquestrée. Ah ! Elle est à côté de moi. Madame, comment elle s'appelle ? Madame Jacquin. Aidez-moi. Je peux vous dire que je la libérerai que si vous me faites une attestation que j'ai gagné le concours de tricot. Elle va falloir me payer par contre. Moi, je veux bien faire une attestation, mais il faut me donner du pognon. Non, mais madame, je vous jure que j'ai déjà subtilisé son dentier, ça peut aller très loin. Hein. Venez pas trouver. Je vous assure que la prochaine étape, je lui enlève la couche, hein. Oh. Ça peut aller très loin. Et je peux vous jure que je suis capable de lui raser sa moustache aussi, hein. Je n'hésiterai pas, hein. Ça fait déjà deux jours qu'elle n'a pas son Roger Cavaillès. Je peux vous dire que ça commence à couiner là-dedans. Oh non, je vais me... Attendez, je vais appeler une nettoyante qui me fait une protection là, parce que moi aussi je crois que je vais faire mon maquillage. Elle est partout. Oh, choupette. Ah non, il n'y a pas eu de triche au concours de tricot, je peux vous l'assurer, c'est pas possible. C'est sûr, parce que je les ai vus, ils étaient trop habiles du doigt. Les autres jours peut-être, mais pas ces jours-là. Dites qu'il est premier, dites qu'il a gagné. Je veux rentrer chez moi, madame. Je l'ai attachée, hein. Je peux vous jurer qu'elle souffre. Alors, on va aller... Oh, attendez, elle souffre, la pauvre. Attendez, je peux peut-être voir avec le directeur. Vous l'avez, le directeur? Oui. Et vous passez le directeur? Oui. Attendez. Monsieur le directeur, il y a quelqu'un qui veut une attestation. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Papy Rico. Alors voilà, j'ai participé aux Olympiades et au concours de tricot. Il y a eu triche, hein? Alors j'ai la dame qui est avec moi et je l'ai séquestrée. Au secours, aidez-moi, monsieur le directeur! Et tant que je n'ai pas l'attestation comme quoi j'ai gagné ce concours de tricot, croyez-moi que je ne la libère pas. Ah, vous l'avez séquestré, mais qu'est-ce que vous allez en faire après, hein? Je lui ai enlevé le dentier. Je suis à deux doigts de retirer les couches, hein? Oh non, pas les couches! Les petites couches, c'est pour ce que vous... Écoutez, moi, j'ai encore mon rasoir et je peux vous dire que je lui fais la moustache dans la foulée. Mais non, pas la moustache! Pas la moustache! Merci, madame. Merci de votre gentillesse. Quelle barre de rire. On embrasse Angélie Dufesne. C'est Aymeric Bonnery, vous êtes dans le Rico Show sur Énergie, 20h, 23h, on fait plein de bisous. Et franchement, vous êtes les meilleurs. On adore Saint-Gély, la maison de retraite. Il me tarde d'être vieux pour être avec vous. Ah, nous verrez, on vous bichonnera. Oh là là, il me tarde la toilette. À bientôt. Au revoir, mesdames, au revoir. On vous embrasse. Au revoir. Bisous. À bientôt, au revoir. Vos grands-parents sont tendres, attentionnés, généreux. Eh bien, les nôtres sont insupportables. Qu'est-ce qu'il a dit, ce pauvre type ? Papy et mamie sont dans le Rico Show. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me? Don't you ever go? I've seen it on TV. I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me? Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV. Even when you're angry, even

oublier d'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sans ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, danse, danse, à la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Alors vous savez quoi ? Je vais mettre tout le monde d'accord. Voici le titre qu'on va adorer, c'est Kygo sur Energy, juste après le best-of de Mickaël. On a, oh là là, pour commencer l'émission, une grande star. Ah bon ? Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous n'êtes peut-être pas encore remis du week-end. Grosse vache. Oh. Qui est une grosse vache ? Ça sent la voix sexy. Bâtard, là. Enculé, gros bâtard. Virginie du 5-9 ! Virginie. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va, Virginie 5-9? Ça va, tranquille, ouais. Ah, bon, très bien. Qu'est-ce qui se passe, Virginie 5-9? Qu'est-ce qui t'amène? Bah, rien. Rien, je passais par là, je me suis dit bon. Et ça fait longtemps qu'il t'est pas arrivé une aventure, Virginie? C'est vrai, ça. T'as qu'il est fait comique. Bah, écoute, putain, tu sens, tu es trop drôle, Paul. Ah, ouais, tu vas faire un one-man show, mec. Non, mais c'est les gens qui. C'est la meuf qui est en fait qui périt, quoi, t'as rien. C'est, d'accord, ok, on n'a pas tout compris, mais très bien. Et donc, Virginie, et qu'est-ce qu'on, donc on peut rien faire pour toi, t'es juste là comme ça, quoi. Non, non, sérieux, non, mais comme ça pour passer à l'antenne et puis pour déconner comme d'habitude. Et puis d'ailleurs, hier j'ai téléphoné à l'énergie, quoi. Mm-hmm. On n'était pas là. Mais on n'est pas là le dimanche. T'as appelé à quelle heure? Bah, il était quasiment minuit, hein. Ah oui, mais c'est la fin de Domingo, là. Il fallait appeler plus tôt. Ouais, mais tu diras à ton collègue que je suis vraiment mécontente parce que. Qu'est-ce qui se passe encore ? Bah. Il a dit qu'il me passe à l'antenne, alors que. Au final, bah. Oui, mais si t'appelles à la fin de l'émission, c'est peut-être pour ça. Oui, c'est-à-dire que Domingo, il finit à minuit. Si t'appelles à 23h59, bon, bah. Non, quand même pas. Bah, non, t'es pas appelé à 23h59, à 23h54, peut-être. Ah oui, bon, enfin bon, même à 54, hein. Oui, non, mais Virginie, attends, on va faire le débat. Mais t'as appelé pour dire quoi? T'as appelé le standard, t'as appelé, tu dis, tiens, il y a Domingo sur Énergie, cool, j'appelle, ok? Et t'as appelé, t'as demandé quoi? Non, sincèrement, je connaissais pas cette émission. Et j'ai appelé Énergie comme ça. Et puis, il m'a dit, c'est pourquoi t'appelles? Et j'ai dit, ah, on ne sait pas, je croyais que c'était Amina, excuse-moi, Amina, j'avais pas. J'étais confondu avec. Oui, bon, bref, c'était pas Amina. Et pourquoi non, t'as appelé pour dire quoi alors? Bah, c'était comme ça, pour passer à l'antenne comme ça, pour déconner. Bah oui, mais alors, Virginie, il y a que nous, qui, parce que nous, on te connaît, on t'aime bien. Mais t'appelles des gens pour leur dire, ouais, bah, j'appelle juste comme ça pour dire bonjour. Bah, s'ils ont quelqu'un d'autre. Mais non, mais s'ils ont quelqu'un d'autre qui veut parler d'un autre sujet, ils vont prendre d'abord quelqu'un qui veut parler d'un truc intéressant. Ouais, c'est parce que nous, on sait qui t'es, Virginie. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas méchant, mais c'est normal. Ah non ? On a un passif. Ouais. Faut pas mal le prendre, Virginie Hussac-Neuf. Non, mais attends. Parle pas comme ça de Domingo, Virginie. Arrête un peu de respect. Non, mais attends, ça se fait pas. Domingo, il est quand même très gentil. D'ailleurs, j'entends toujours lui mettre sa race FIFA. Il ose pas venir. Il a peur. Lui aussi, il a peur. C'est comme Amina. Non, mais vous pouvez le tweeter. Hein. Moi, j'ai pas peur. Il vient ici quand il veut. Je mets comme Amina, je lui mets 3-0 dans la gueule. Allez, blablabla. Allez, je lui laisse un but. Un but d'avance. Il démarre à 0-1. Je lui en mets 3 derrière. J'ai hâte de voir ça. Eh ben quand il veut, alors là, son jour sera le mien. Eh hey, mais Virginie. Allô. Ouais, oui. Virginie, tu voulais dire quoi hier? Parce qu'on est aujourd'hui, ça serait bien qu'on parle maintenant. Mais rien, il voulait passer à l'antenne, dire bonjour. Mais Virginie, c'est tout. C'était, y a qu'ici que tu fais ça. Mais oui, bah, après, Virginie a un peu le sentiment d'avoir certains passe-droits. C'est-à-dire que moi, quand elle m'appelle, elle me dit ouais, tu me rappelles vite par contre. Non, hein, non, mais Virginie, t'es pas une douce. Y a que les doux qui peuvent appeler. Bon, Virginie, sac neuf. On va pas te déranger plus longtemps. On sait que t'as beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon. Dis, Mickaël, c'est toi le patron des grands patrons depuis trop Ça y est, elle va te demander un truc. Bah, bien sûr. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien revenir faire un petit tour sur vos plateaux. Eh ben, regarde sur sncf.fr. Alors, c'est compliqué pour l'instant. Ah, il y a des Ouibus et c'est tout. Compliqué. Ah, ouais, il y a des Ouibus, ouais. Eh, hey, Virginie, avec toutes les insultes, je ne viendrai plus jamais te chercher. Tu m'as insulté, tu m'as traîné dans la boue. C'est vrai, en plus. Hop. Arrête-toi. Non, non, tu t'es pas trompé, hein. C'est bien lui. Mais si, je te dis. T'es sur Énergie. Et c'est Mickaël. Mais puisque je te le dis. Yatoff, Polo et Amina. Dès 23h. Du lundi au vendredi. Sur Énergie. Et aussi sur Insta, Twitter et Facebook. Mickaël officiel. Des 5 titres de la playlist Suprême Énergie. 50 000 euros à gagner. Dès que vous entendez les 5 titres à la suite de la playlist Suprême Énergie. Staca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón. Como en una novela, en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvido. vamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Courage pour tous ceux qui travaillent que maintenant, enfin qui vont au travail, ou ceux qui rentrent. Et sur Énergie, à Ariana Grande, ça c'est ma best. Pendant votre réveil, ou si vous rentrez du taf, c'est vraiment le meilleur. Et il y a le Réco Show sur Énergie extrait. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Énergie. On est avec vous jusqu'à 23h. Salut Amélie, Elisabeth, Alex, Sévage, Caro. Hashtag Réco Show sur Énergie. Mon Chris Sevan, t'es toujours là, mon poulet? Ah oui. C'est parti, c'est l'heure de faire tourner en rond mamie qui est chez SFR. Sarah, tu vas démarrer. Tu vas te faire passer pour la nana d'SFR. Exactement. Et tu vas lui dire qu'il faut absolument qu'elle réponde à tout ce que va lui demander de faire le serveur vocal. Oh là là, elle est pas. J'ai bossé 8 ans. C'est parce qu'elle perd ses moyens. Quand elle va être face au. Je le sens, regarde, je te porte l'œil. Allez, c'est le canular, c'est parti. Allô? Oui, bonjour, Béatrice. Oui. Un instant. Alors, je vais vous passer un service vocal, hein, parce qu'apparemment, il y a eu un problème sur votre région, là, à Créteil, chez tous les SFR. Votre forfait risque d'augmenter. Oui, votre forfait risque d'augmenter, malheureusement. Je vous laisse suivre les instructions du service vocal, madame. Au revoir, bonne soirée. Bonjour, ici le service SFR. Votre forfait évolue. Si vous souhaitez bénéficier d'énormes avantages, identifiez-vous et dites-nous votre prénom. Je comprends bien. Vous avez été prélevé de 123,90 €. Si cela est une anomalie, merci de répéter haut et fort votre prénom. Anomalie. Vous venez de souscrire votre forfait anomalie. Ce forfait à plus de 123 € par mois, vous permet de surfer sur Internet. Si cela est effectivement ce que vous souhaitez, merci d'énoncer votre prénom. Béatrice. Merci Béatrice. Vous venez de souscrire à un forfait de 123 €. Nous vous confirmons également votre abonnement à Jackie et Michel TV, la chaîne porno du groupe SFR, pour 12 € supplémentaires par mois. Pour annuler, dites « oh oui ». Oui, oui. Merci. Je comprends bien. Vous venez de vous abonner à Jackie et Michel TV. Vous êtes sans doute une coquine de luxe. Non. Si vous ne souhaitez pas souscrire à ces abonnements, qui s'évaluent à plus de 1278,90 € par mois, restez en ligne et dites « Hakuna Matata ». Oh, arrêtez, hein. Merci de répéter « Hakuna Matata » en chantant. « Hakuna Matata ». Merci de répéter plus fort. « Hakuna Matata ». Hakuna Matata. Merci, nous vous avons compris. Vous venez de procéder à l'achat d'un iPhone 10 d'une valeur de 1000 €. Mais tu fais opposition, ils vont pas prendre ton argent. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi tout? Non. Mais alors? Oui, allô? Allô? Oui, tout s'est bien passé? Madame, je ne comprends rien. Franchement, ça c'est de l'arnaque, déjà. Mm-hmm. Ok, ça, vous êtes en train de me parler, vous êtes en train de me dire qu'il faut dire annuler, mais la dame, elle ne me parle pas d'annuler. Elle me dit qu'il faut prononcer Hakuna Matata. qu'on me désinscrire pour, en chantant. C'est pas normal. Moi, je pense que c'est de l'arnaque, sinon je serais prélevée. Comment ça se fait que je serais prélevée? Vous n'avez pas mon numéro de compte? Okay. Alors, je vais vous expliquer, madame. Ne vous énervez pas. Moi, je n'y suis pour rien. Je suis juste une opératrice de la centrale. Je n'ai souscrit à rien de tout. Écoutez, ça. Écoutez, ça ne me regarde pas. Hein. Ça ne me regarde pas. Vos petites préférences ne me regardent pas. Je connais pas. C'est tout. Je vais vous repasser le service vocal, madame. Vous allez tout annuler une dernière fois. Non, je ne veux pas. Un instant. Je raccroche. Ici, le serveur vocal. Mais je vous écoute. Vous voulez quoi? Je vais vous passer quelqu'un que vous connaissez. Chris? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire? C'est une blague, c'est Énergie. Béatrice, vous êtes en direct sur Énergie, c'est une blague! Béatrice, vous avez été piégée par votre petit-fils Chris, c'est une blague, Béatrice? Yes. Ouais. N'importe quoi! On va faire un très beau cadeau à votre fils, ouais. À votre petit-fils. Il va choisir sa télé, il va choisir son enceinte ou sa caméra. Ces cadeaux, c'est pour lui, Béatrice. Bravo! Ouais. Et c'est pas prélevé. Hein. Et c'est pas prélevé. Hein. Sera prélevé d'énergie, c'est tout. Ça va, Béatrice? Oui, ça va mieux. Ah là là, vous avez été énorme. On a rigolé avec vous. Hakuna Matata, Béatrice. Hein. On vous embrasse, raccrochez pas, on va vous faire un cadeau aussi, Béatrice. À très vite. 20h, 23h. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down, can't stop. Can't stop. So shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down, can't stop. Can't stop. So shut your mouth. We turning up, yeah. We turning it up. C'est tout frais dans la playlist Énergie. Sound of Legend. It's music only. We'll be right back. fait, je me suis pas présentée. Je m'appelle Marie, vous écoutez Énergie. Il y a Aya Nakamura qui arrive, Shawn Mendes également. Et là, j'ai choisi pour vous l'un des passages que j'adore tout simplement et que j'avais envie de partager avec vous. C'est Koé sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Donc, imaginez un cendrier. Ouais. En forme de chiottes. Mmh. Ah, petit cendrier en forme de lunette de WC. Ouais. Avec marqué dessus, je te vois, petit coquin. C'est bon goût. C'est bon goût. C'est bon goût. Ouais, je c'est classe. Non, mais ça, chez les tuches, c'est un beau cadeau de Noël. Hein. Qui achète ça ? Dans la vraie vie, je suis pas sûr que tu trouves des gens à offrir ça, mais bon. Et donc, il y a écrit, description, bonjour, je vends cet article, il est neuf, ce produit est un produit original, ah oui, 4 euros à saisir, possibilité d'envoi gratuit pour la France. Ça veut dire que donc, le mec va l'envoyer. Ça va lui coûter 3 euros de timbre et on est d'accord qu'il va gagner 1 euro. Ouais, même. C'est ça. Ouais, ouais. Il se fait chier pour 1 euro. Voilà. Clairement, ouais. Ok. Appelons le bon coin. C'est vrai que c'est bizarre comme démarche. C'est un truc que je comprends pas. Au lieu de jeter à la poubelle. Non, mais même un vide-grenier. Tu fais un vide-grenier, tu mets tout devant chez toi. Ouais. Mais là, tu t'embêtes à faire un paquet, à l'envoyer. Allez à la poste. Allô ? Oui. Ah, oui, bonsoir, monsieur. Pardon. Oui. Allô ? J'étais en voiture, désolé. Ah, ben non. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je vous comprends tellement. J'appelle pour le cendrier toilette, l'annonce que j'ai vue monsieur. Oui, oui, oui. Il est toujours en vente. C'est, il est toujours en vente. Pouh, j'arrive au bon moment. Donc je me permettais de savoir son état un petit peu. Oui, oui, comme je le dis, c'est neuf. Hein. C'est en fait c'est une sorte de. D'œuvre que ma mère possède et comme on l'installe dans une maison spécialisée, on revend tout un tas d'objets un peu hétéroclites comme celui-là et voilà. Et, ouais, ouais. C'est l'œuvre de quel artiste ? Mais ça, c'est ma mère qui l'a fait de A à Z. Hein. Elle faisait beaucoup de bibelots comme cela et voilà, on s'en sépare à contre-cœur mais c'est fantastique. Voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Non, mais je vous comprends. Donc vous voulez dire que c'est un objet de valeur sentimentale, hein. Ben, ah oui, ça a une valeur sentimentale. Oui. Si c'est votre maman qui l'a fait. Voilà, mais après on a eu son accord pour vendre certains objets, dont celui-là, même si ça lui tient à cœur. Il y avait quoi d'autre comme objet ? Il y avait d'autres. Elle avait aussi confectionné des sortes de dessous de plats faits avec des boîtes de camembert. Notamment aussi des chausse-pieds, mais fait elle-même, avec de la ferraille qu'elle récupérait. Et sur chaque chausse-pied, elle mettait des dessins donc qu'elle intégrait directement au chausse-pied. Ça c'est génial parce que ça permet d'avoir des objets uniques. Qui dit unique, oui, dit précieux. Oui, on pouvait le personnaliser, oui. Bien sûr. Et donc là c'est un cendrier en forme de toilette. C'est ça. Avec marqué dessus, je te vois, petit coquin. Oui. Elle avait beaucoup d'humour, maman. Bah oui. Enfin, elle en a toujours. Voilà. Je te vois, petit coquin. C'est mignon. Moi, écoutez, j'ai envie de vous le prendre. Oui. Ouais, j'ai envie de vous le prendre. Il reste d'autres objets comme le chausse-pied en barre de fer ou les dessous de plat en camembert. Les dessous de plat, comme elle en avait fait plusieurs. Après, ça dépend de quel camembert vous voulez. Enfin, évidemment, elle en avait fait plusieurs. Ah, il y avait le camembert. On peut choisir le. Il y avait le camembert et elle décorait autour de la boîte à camembert. C'est ça, mais de toute manière, si vous prenez le cendrier, on peut vous offrir un dessous de plat, si vous le souhaitez. Écoutez, c'est très gentil, je suis très touché. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Oui, vous avez l'air. Ouais, voilà, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui maintenant. Tout est commerce, business, argent, et que ça vient du cœur, et ça me fait très plaisir. D'accord, mais par contre, après, bon, pour parler prix, on ne peut pas baisser. Hein. J'ai mis 4 euros, on ne peut pas faire moins. Non, mais alors là, je ne me permettrais même pas de baisser une œuvre. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de souci. 4 euros, on est d'accord, hein. Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je le prends pour ma collection personnelle parce que c'est pas pour un cadeau. Parce que bon, c'était pour un cadeau. Oui. Pour un cadeau, Ça peut plaire, non ? Non. Plaire, imaginez, si j'offre ça à ma chérie. Non. Oui. Non. Bah non. À un copain, oui. J'ai peur que si je l'offre à ma chérie, elle me dise quand même, c'est un peu de la merde. Bah, si elle ne fume pas, oui, c'est sûr. Oui. Donc, vous êtes d'accord, pour elle, c'est un peu de la merde. Ben, là, vous parlez de toilette, donc il y a un petit jeu de mots par rapport à ça, c'est drôle. Mais oui, non, mais à une femme, on est d'accord que.

negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa pa pa pa baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Salut tout le monde, bon réveil. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 septembre et c'est l'horoscope de ce jour. Énergie, l'horoscope. Et je vais commencer par les Sagittaires. Les Sagittaires, soignez votre santé si vous voulez profiter des plaisirs de la vie. Les Béliers, vous vous porterez aussi bien que possible. Les Scorpions, voilà une journée qui se présente sous les meilleurs auspices, vous aurez du tonus à revendre. Les Taureaux, grâce à l'intervention de certaines personnes qui croient en vous, votre situation évoluera. Ouf, c'est mon horoscope, je suis trop bien. Les Capricornes, dans le travail, privilégiez pour l'instant la qualité plutôt que le rendement. Ralentissez un peu le rythme et renforcez les acquis. Ne laissez pas la fatigue s'accumuler. Les Vierges, vous aurez le droit à une famille familiale particulièrement épanouie et agréable à vivre. Les Gémeaux, les astres vous promettent une belle entente dans votre couple. Vous pourrez discuter avec votre conjoint ou partenaire des problèmes qui vous opposent et vous serez en mesure de repartir sur de nouvelles bases. Les Cancers, certains d'entre vous pourraient renouer avec un ancien amour ou voir une amitié évoluer vers un sentiment plus tendre. Les Lions, l'ambiance astrale vous incitera à vous ouvrir davantage sur le monde extérieur et à trouver de nouveaux sujets d'intérêt dans votre vie sociale et relationnelle. Les Balances, si vous vous mettez à vous disputer avec vos collègues, vous n'arriverez à rien. Et enfin, les Poissons, vous serez favorisés financièrement, sans aller jusqu'à aller à vous assurer un pactole. Les astres vous permettront de vivre sans souci. Bon réveil tout le monde, on revient avec tous vos hits préférés sur Énergie. Ça va être une bonne semaine, je le sens et je le sais. Et Manu arrive en direct à 6h sur Énergie. Quelle radio double votre salaire en vous réveillant le matin? Énergie. C'est gagné. Quelle radio vous raccompagne à la maison en vous éclatant? Énergie! Est-ce que vous avez un micro dans le supermarché? Me dites pas non, je l'ai déjà vu. Est-ce que... Cher client, écoutez Koé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Quelle radio vous offre 50 000 euros avec la playlist suprême? Énergie! Quelle radio vous fait découvrir les plus grands hits des plus grandes stars toute la journée? Énergie, it's music only. Si vous pensiez tout connaître de votre ville, redécouvrez-la avec la nouvelle Mini Pro 5 portes. Projecteur full LED pour un style à l'épreuve de tous les regards. Mini connected avec conciergerie pour découvrir la meilleure brasserie de la ville. GPS avec infotrafic en temps réel pour prendre de l'avance sur tous vos rendez-vous. Nouveau design, nouvelle technologie embarquée, nouvelle tendance, nouvelle Mini 3 ou 5 portes. À partir de 230 euros par mois sans apport. Méné. Offre pour une Mini H3 porte 75 chevaux, 36 mois sans apport, entretien inclus. Valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur mini.fr. Partez à Londres pour découvrir en avant-première le film événement avec Lady Gaga et Bradley Cooper, A Star Is Born, avec Énergie. Écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie et rejoignez l'équipe du film et la superstar Lady Gaga sur le tapis rouge de l'avant-première avec Énergie. A Star Is Born, le 3 octobre au cinéma avec Énergie. It's music only. Gagnez avec Énergie 1200 euros de permis de conduire offert par SGS, objectif code. Le Rico Show. Salut, c'est Emeric. Tous les soirs entre 20h et 23h sur Énergie, je vous offre pour 1200 euros de permis de conduire grâce à SGS, objectif code. Merci, Énergie, it's music only. Énergie. Music only. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you. had the thunder. Ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Actions I be hanging on. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Oh my God, where did the time go? I wish the hours would go slow. How is it 6 a.m.? Honey dripping from my lips. I think I'm in my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you. Mais je suis sonné. Hit station number one, energy. Hit music only. What do we conceal? What do we reveal? Make that decision every day. What is wrong with me? It's what's wrong with you. There's just so much I wanna say. Voici deux patrons sur Energy, celui qui crée les hits, c'est Drake, c'est juste après, et Manu dans le 6-9, celui qui vous donne plus d'argent chaque matin, à 7h05 et 8h05 sur Energy, double votre salaire. Go pour l'inscription sur energy.fr pendant ça. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Energy. C'est les sondages du matin. Ce petit moment entre nous, coquin. Ouais. Enfin, coquin, non, il est pas coquin. Je m'en bats le point rien en ce moment. Alors, en ce moment, je suis. Oui, à bout. Un peu. C'est parti. 26% des gens ont déjà menti là-dessus pour impressionner les autres. D'après vous, de quoi il s'agit? Glandu. La taille de quelque chose? C'est pas une taille, non. Leur salaire. C'est pas un salaire. C'est un rapport au sexe ou pas du tout? Pas du tout. Ah, okay. Non, non, vraiment pas du tout. La durée sans dormir? Non, c'est pas une durée. Le nombre de mètres carrés dans leur maison. Genre, j'ai une grande maison. Oui, mais enfin, ça se voit quand tu arrives après. Oui, c'est vrai. Alors non, mais c'est un nombre de fois. Ah oui. 26% des gens ont déjà menti là-dessus pour impressionner les autres. Le nombre de fois. C'est quelque chose qu'ils font en extérieur. Tu peux le faire en extérieur. Ah. Ou on va au sport. Oui, bonne réponse. Ah, ouais, ouais. Oh, bravo. C'est le nombre de fois où on va au sport. Quand même, une personne sur quatre mente là-dessus. Hein. Bah, ouais. Ah ouais. À Glandu. Non, non, je mens pas. Quoi, non. Tu mens pas? Attends, Glandu, il va même jusqu'à amener son sac de sport pour nous faire croire qu'il y va. Ouais, non, ça a été annulé, ça a été annulé. C'est voilà. Pas de ma faute. Au dernier moment. Mais honnêtement, Glandu, la prochaine fois que tu viens avec un sac de tennis, mets des raquettes dedans. Dans 42% des couples, c'est l'homme qui maîtrise le mieux ce genre de plat. D'après vous, quel est ce genre de plat? Honnêtement, c'est facile pour les mecs, ça. Glandu? Les frites? C'est pas les... Bah si c'est pas les frites, c'est les... Ah, les pâtes. Et les pâtes. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Mais oui, parce que ça, c'est l'expérience qui parle. Hein. C'est cool, ça. Des années à bouffer des pâtes, ouais. Bah, tu commences à devenir un spécialiste. C'est vrai. Une personne sur deux considère que faire ça, c'est faire de l'exercice. Faire ça, c'est quoi, Isabelle? Regarder le sport à la télé. Ah non. Non, ça va pas aussi loin que ça. Nico? C'est un truc que tu fais chez toi ou pas? Non, justement, c'est à l'extérieur. Ah, ah okay. Oui. Taper sur son clavier au bureau? Non, à l'extérieur, dehors, je veux à dire. À l'extérieur, ouais. D'accord. Oui. Extérieur. Monter des escaliers? Non, à l'extérieur. Bah, tu peux remonter à l'extérieur. Alors, ça ne se fait que à l'extérieur. Ok. Courir après le bus. Non, c'est pas ça. T'as besoin de quelqu'un ou tu peux le faire seul? Alors, tu le fais, mais c'est pas quelqu'un. T'es pas seul, mais c'est pas avec quelqu'un. Voilà. Avec un animal? Oui, avec un animal. Promener le chien. Promener le chien. Une personne sur deux considère que promener le chien, c'est faire de l'exercice. Ah, oui. C'est vrai que si c'est un Doberman qui court et que toi, t'es derrière à courir. Oui, enfin, là, si c'est un chihuahua, tu fais un pas, il en fait 1000, quoi. Donc, 8% des gens mentent à ce sujet sur leur profil de site de rencontre. Ils mentent à quel sujet? Glandu. Leur poids. C'est pas leur poids. C'est la taille de quelque chose. C'est pas du tout une taille, une mesure, non pas du tout. Leur date de naissance. Non plus. C'est un détail physique ou pas du tout? Rien à voir avec le physique. Ok. Rien à voir. Ce qu'ils recherchent. Ils disent qu'ils recherchent l'amour alors qu'ils recherchent un plan. Non, mais on se rapproche de l'univers. Ce qu'ils aiment manger. Non, c'est pas ce qu'ils aiment manger, mais c'est ce qu'ils aiment... Faire comme activité. En gros, c'est ça. Oui. 8% des gens mentent sur leur profil de rencontre, sur leur hobby. Ouais. Ah ouais. Ils disent aimer des choses pour en fait, mieux draguer, alors qu'en vrai, ils s'en foutent. Ouais. C'est comme sur les CV, quoi. C'est cinéma, art, machin, alors qu'en fait... Exactement. J'aime les expositions, mais en fait, je sais pas comment ça s'écrit. Voilà. 57% des gens qui achètent ça s'en servent une fois et ensuite plus jamais. De quoi que c'est que donc? Des clous? Tu t'en sers une fois, puis après, voilà. C'est vrai, ça se tient. Mais c'est quelque chose qui théoriquement se réutilise. Ah, d'accord. Isabelle. Un extracteur de jus. Non, c'est pas aussi cher que ça et c'est beaucoup moins encombrant. Un agenda papier. Non plus. Un plumeau. Un quoi? Un plumeau. Un plumeau. C'est pour faire le ménage, mais tu connais pas. Oh là là. Le ménage. Non, mais je pense que t'en as jamais vu. Excusez-moi, parlez correctement. Parce que, là, si on parle pas le même langage. Ouais. C'est un objet que tu utilises chez toi ou pas, principalement? Oui, tu peux l'utiliser chez toi principalement. Je vais vous dire ce que c'est parce que c'est pas évident. Okay. Mais quand je vais vous le dire, vous allez dire ah bah oui. 57% des gens qui achètent ça s'en servent une fois et ensuite plus jamais. Un tube de super glue. Ah bah oui. Parce que t'as le truc qui colle en plus à chaque fois, quoi. Le truc c'est que tu t'en sers une fois pour coller un truc, mais t'as pas tous les jours à t'en servir de la super glue. Ouais. Et ensuite après, tu sais plus où c'est, et puis ça colle tout, c'est chiant. C'est le scandale de la super glue. Je crois que là tu mets les pieds dans le plat. Excuse-moi Isabelle, je ne peux pas te suivre sur ce chemin extrêmement glissant. Quand il y a vraiment quelqu'un, quand il y a besoin de quelqu'un pour dénoncer dans l'émission, c'est Isabelle. Des 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Yo, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off, and they don't know when to stop. And when you get top, and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it, and when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny, I buy you champagne, but you love some Henny, from the block like you Jenny, I know you special girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, cause I want you, and I need you. I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe. Cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show them how to network. For that Netflix and chill, what's your network? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. I got a new boy, and a nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding?

easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Très très bientôt 6h du mat sur Énergie, même si vous avez la tête encore ailleurs, ce qui est très souvent mon cas. Le meilleur des réveils, ça se fait avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Je passe dans quelques minutes un extrait canon de l'émission. D'ailleurs, j'embrasse bien fort l'équipe. Manu, Glandu, Nico, Paulette, Isabelle. Et bonne émission à Manu. Et il y a juste Calvin Harris qui arrive après. C'est cool. Vous êtes sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Ouais, tout le monde est venu ce matin avec une bonne nouvelle. Qui veut commencer? Allez, allez, Nico, je suis chaud, je suis comme un dingue. C'est officiel, la marque Heinz va lancer la sauce Mayo Chup. Un mix entre le ketchup et la mayonnaise. Ça, c'est pas mal. On n'aura plus à la faire dans son assiette à passer pour un enfant. Bah non, boum, direct, tu l'as. Si elle existe, c'est cadet de monde. Donc c'est top. Oh, c'est très cool. C'est une bonne nouvelle. C'est génial. C'est une très bonne nouvelle. Le monde sera meilleur avec la mayo chup. Oui. Nos fesses, non, mais le monde, oui. On continue, Paulette. Ouais, c'est une petite histoire. En fait, c'est un policier qui, avant-hier, a sauvé un chat qui venait de se faire renverser par une voiture. Et comment il a fait? Il a appelé un copain à lui vétérinaire qui lui a expliqué comment faire un massage cardiaque à l'animal. Et bam, l'animal sauvé. Wow. Oh, c'est joli. Ouais. Ah ouais. C'est un chat, mais belle histoire. Ouais. Oh, Manu, et le petit plus, le policier s'appelle Monsieur Chien. Oh, ça c'est drôle. J'ai adoré l'histoire pour ça. Oh, c'est rigolo. C'est cocasse. Je trouvais que ça rajoutait vraiment un truc. C'est cocasse. On dirait les histoires que je raconte à mes enfants le soir, tu sais. Ah, mince. Alors, c'est mieux ce chien qui a sauvé Monsieur Chat. Et là, arrive Monsieur Peignoir. Les bonnes nouvelles, on continue, Glandu. Ah, j'ai une bête de bonnes nouvelles, moi. Je suis potentiellement très riche, et je suis pas le seul, comme des dizaines de milliers de Français. Ah ouais? Puisque ce soir, c'est le super jackpot de l'euro-million. 130 millions d'euros. Ok, ouais. Tous potentiellement les millionnaires. Mais si, il faut se dire qu'on est potentiellement millionnaires. Ouais, mais ça marche avec chaque loto, ça. Ouais. Non, parce que ce soir, c'est le super jackpot. Ah, non, normalement, c'est bon. Ouais. Honnêtement, moi, sans le super jackpot, je prends déjà le loto de base. Hein. Même quand moi, je gagne 2 euros et j'ai acheté mon truc 2 euros, je suis comme un fou. Mais ouais. Mais c'est bien, Glandu, pour lui, les bonnes nouvelles, c'est les choses même qui n'arrivent pas, mais qui peuvent arriver. On sait jamais. Okay. Donc, c'est bien. Ça m'illumine ma journée jusqu'à ce soir. Et ben, fais-toi plaisir. Voilà, Isabelle, une bonne nouvelle. Vous aimez pas vos petites rides là autour des yeux? Les pattes de doigts? Ouais. Bah, c'est pas. C'est... Quand t'as des pattes de doigts, ça... tu envoies comme message aux autres quand même. Bonjour, ça y est, je suis vieux. Et ben Manu, pourtant, c'est un atout considérable dans nos vies. Parce qu'en fait, il y a une étude qui révèle que les gens considèrent que les femmes, en fait, qui présentent ces petites rides là, et même les hommes, hein, mm-hmm. autour des yeux, sont plus sincères. Beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques. On est plus sincères quand on a des rides autour des yeux. Et oui, et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on sourit. Et ben quand on sourit, ça fait plier la peau autour des yeux. Et ça veut dire qu'on est très sincère. Alors que si on fait un faux sourire, ce faux sourire n'ira jamais jusqu'à tes yeux. Ah, voilà. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Pour savoir si quelqu'un vous ment, vous lui demandez de sourire. Ouais, exactement. Ah ouais. C'est bien au tribunal. Rigole, je te dis. Bah ben non. Je terminerai par une bonne nouvelle pour les amateurs de bière, moi. Vas-y. Écoutez bien, la bière stimule la santé du cerveau. C'est une étude récente qui rapporte que le houblon, c'est l'ingrédient essentiel de la bière, et bien ça libère un composé qui protège les cellules du cerveau contre les dommages et peut même ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer. C'est bon ça. Et voilà. On a une bonne raison de boire des coups ce week-end, du coup. Exactement. Oui. Mais si on en boit trop, du coup, t'oublieras que t'as bu des coups. Enfin, c'est compliqué. Tu sais plus si c'est Alzheimer ou le fait que t'as trop bu. Je te dis avec modération et puis ça passe tout seul. Oui, enfin, faut pas que se le dire, du coup. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. All it takes, falling. message when you smile. Take my time. There's something in you. Let up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Sur Énergie, 5h55, on est lundi, c'est le 24 septembre. Ah ouais. J'ai rien foutu du week-end. Toi aussi ? Ah ouais ? Ah, oh, je me suis mis devant ma PlayStation, j'ai joué, j'ai arrêté le jeu, je fais ouh, il est lundi, faut y aller. Ah, je suis content d'être là, les amis. C'est dingue. Ah, j'ai rechargé les accus. Ah, j'ai rien branlé. Oh, je suis content de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre dans 5 minutes. C'est Manu dans le 6-9. Mais avant ça, c'est le club du 5-5-5. C'est notre moment à nous. À 5h55, on se fait un petit plaisir. On est là entre nous tranquillement avant de démarrer vraiment la journée dans 4 minutes. Et on profite en écoutant un titre. Et là, c'est un bon titre de lundi. Il y a des titres comme ça, tu les écoutes, t'as envie de te lever. T'as envie d'aller conquérir le monde. Ou alors déjà, t'as envie juste de réussir à te lever. Mais c'est déjà bien. Pink, Raise Your Glass. Ah ouais, cool. Raise your glass, ça veut dire lever votre verre. Ouais, ouais, c'est bon, génial. Ça. Eh oui. Ça, ça donne envie de lever. Ouais. Genre, ne prenez pas un verre tout de suite, attendez quand même. Attendez l'apéro. Bon réveil. Right, right, turn off the lights. We gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all the underdogs. We will never be anything but loud and pretty, gritty, dirty little freaks. Won't you come on? Don't you understand? Wish you just freak out. Freak out already. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? Is empty. That sucks. So if you're too school for cool, I mean, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your nous sommes en avance. Oh, oh, bon, alors, c'est jamais arrivé. Ça, ça, ça annonce une grande journée, une grande émission. Il est 5h59. Bon réveil. On va démarrer avec Jane, s'appelle All Right, peut-être que vous connaissez. C'est nouveau et je le sens. Bienvenue en 1996. On va écouter Calvin Harris. Les concours du jour, c'est dans 10 minutes pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Quoi de mieux que de démarrer la journée en se disant qu'il y a pire que nous? Oh oui. Bien sûr. Avant ça, c'est les infos.